chargés de louanges au milieu des anges devant l'ancien des âges. Dans le couloir de la gloire, je m'engage. Rien n'est aussi merveilleux que t'approcher et m'abreuver au milieu de tes rochers. Je viens m'accrocher loin de tout péché, devant la main cachée, le torrent de vie ne peut sécher. Je voudrais célébrer ta magnificence et venir combler mon cœur dans ta présence. Oh, c'est plus qu'un rêve que tu réserves à tous ceux qui te servent. Je viens, Seigneur, puiser dans ta réserve. Ce lieu doré, je viens me restaurer. Te dire un mot est un bonheur pour moi. La rosée de ta présence me rassure et ton amour me libère de mes blessures. Je me sens renaître. Tout mon être voudrait reconnaître en toi, Seigneur Jésus, le divin maître. Dans les parvis je vois tomber tous mes devoirs, je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi, je suis au cœur de ma victoire. Dans les parvis du Dieu vivant brille le soleil levant, qui nous remplit de joie devant les merveilles. Couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs, je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi, je suis au cœur de ma victoire. Devant les merveilles du Tout-Puissant.